Tu déposes ton amour sur un compte courant. Tu tires tous les jours sur la corde qui pend. Les valets qui accourent ont toujours cette angoisse d'avoir nuit au pouvoir qui leur porte la poisse. Tu échappes rarement au regard qui t'insulte et la pierre qu'on te lance, bien souvent d'un adulte. C'est toujours sur la même bête qu'on attelle la charrette. C'est pour qui la vie s'arrête, elle n'a plus ni queue ni tête. Tu oublies sur le brasier le cœur qu'on t'avait placé. Tu souffres un martyr comme un vrai supplicié. Les chiens morts sur la route te rappellent la graisse. Une main qui écrase, un mégot sur les fesses. L'innocence violée de 20 filles gentilles. Toute ombre chinoise d'un quartier de Manille. C'est toujours sur la même bête qu'on attelle la charrette. C'est pour qui la vie s'arrête, elle n'a plus ni queue ni tête. Tu les ranges les bourgeois que tu vois ronds et gras. Il n'est pas très difficile de reconnaître le roi. Cependant méfie-toi, il en est de gracile. L'Arghetti n'a pas forcément l'air débile. Il est des forêts où les chaînes sont monarques et sur le tronc desquels nul n'a tendu son arc. C'est toujours sur la même bête qu'on attelle la charrette. C'est pour qui la vie s'arrête, elle n'a plus ni queue ni tête. Tu fabriques des moulures à la trempe éphémère. C'est la propre des natures à la sève régulière. Et les mêmes ramures sous les signes du bélier sont la même pourriture. Je repousse chaque année, on est là de mes excès. Je mélange le plus bel, il n'y a rien de changé. On va toujours vers le ciel, c'est toujours sur la même bête qu'on attelle la charrette. C'est pour qui la vie s'arrête, elle n'a plus ni queue ni tête.